Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop, voici les nouvelles aventures d'Harry Potter. Harry Potter, Ron et Hermione entreprennent de retrouver et de détruire la clé de l'immortalité de Voldemort. Seuls, sans les conseils ni la protection de leur professeur, les trois amis doivent plus que jamais compter les uns sur les autres. Ce sont des heures sombres, c'est indéniable. Harry, dites-moi où il est. Notre monde n'a pas connu de plus grande menace que celle-ci. Mais vous ne pouvez pas mener cette guerre tout seul, Monsieur Potter. Il est trop fort. Nous avons infiltré le ministère. Vous n'avez rien à craindre si vous n'avez rien à cacher. Plus on reste ici, plus il devient fort. C'est moi qui dois tuer Harry Potter. Il faut quitter les rues, trouver un lieu sûr. Il faut se mettre à l'abri avant que quelqu'un te tue. Comme ça, ils ne sauront pas quel Harry Potter est le vrai. Ils arrivent. Ils arrivent. Dites-moi où il est. Vous n'avez pas la moindre chance. Je le tiens ! Aidez-moi ! Harry Potter et les reliques de la mort, première partie. Un DVD Warner Home Video.